Lettre F du dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre F. Fabrique. Voisinage dangereux. Facture. Toujours trop élevée. Faïence. Plus chic que la porcelaine. Faisan. Très chic dans un dîner. Faisceau. À former et le comble de la difficulté dans la garde nationale. Fanfare. Toujours joyeuse. Farce. Il faut en faire lorsqu'on est en partie de campagne avec des dames. Phare. Abîme la peau. Fatalité. Mot exclusivement romantique. Homme fatal se dit de celui qui a le mauvais œil. Faubourg. Terrible dans les révolutions. Faute. C'est pire qu'un crime, c'est une faute. Talleyrand. Il n'y a plus une seule faute à commettre. Thiers. Ces deux phrases doivent être articulées avec profondeur. Faux monnayeur. Travaille toujours dans les souterrains. Félicitations. Toujours sincère, empressé, cordial, etc. Félicité. Toujours parfaite. Votre bonne se nomme Félicité, alors elle est parfaite. Femelle. À n'employer qu'en parlant des animaux. Contrairement à ce qui existe dans l'espèce humaine, les femelles des animaux sont moins belles que les mâles. Exemple. Faisan, coq, lion, etc. Femme. Personne du sexe. Une des côtes d'Adam. Ne dites pas « ma femme », mais « mon épouse » ou mieux encore « ma moitié ». Femme de chambre. Plus jolies que leur maîtresse. Connaissent tous leurs secrets et les trahissent. Toujours déshonorées par le fils de la maison. Féodalité. N'en avoir aucune idée précise, mais tonner contre. Ferme, adjectif. Toujours suivi de « comme un roc ». Ferme, substantif. Lorsqu'on visite une ferme, on ne doit y manger que du pain bis et ne boire que du lait. Si on ajoute des œufs, c'est crier « Dieu, comme ils sont frais !» Il n'y a pas de danger pour qu'on en trouve de comme ça à la ville. Fermé, toujours précédé de hermétiquement. Fermier, toujours lui dire « maître un tel ». Les fermiers sont tous à leur aise. Feu, substantif. Purifie tout. Quand on entend crier « au feu !», on doit commencer par perdre la tête. Feu, adjectif. Feu mon père, et on soulève son chapeau. Feuille de vigne, emblème de la virilité dans l'art de la sculpture. Feuilleton, cause de démoralisation, se disputer sur le dénouement probable, écrire à l'auteur pour lui fournir des idées, fureur quand on y trouve un nom pareil au sien. Fidèle, inséparable d'amis et de chiens. Ne pas manquer de citer les deux vers. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune, etc. Fièvre. Preuve de la force du sang. Et causée par les prunes, le melon, le soleil d'avril, etc. Figaro. Le mariage de. encore une des causes de la Révolution. Figure. Une figure agréable est le plus sûr des passeports. Flagrant délit. Prononcé flagrante delicto. Ne s'emploie que pour les cas d'adultère. Flamand. Oiseau ainsi nommé parce qu'il vient des Flandres. Flatteur. Ne jamais manquer la citation. Détestable flatteur, présent le plus funeste que puisse faire au roi la colère céleste. Ou bien, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Flegme. Bon genre, et puis ça donne l'air anglais. Toujours suivi de imperturbable. Fœtus. Toute pièce anatomique conservée dans l'esprit de vin. Folliculaire. Les journalistes. Quand on ajoute de bas étage, c'est le comble du mépris. Fonctionnaire. Inspire le respect, quelle que soit la fonction qu'il remplisse. Fondement. Toutes les nouvelles en manquent. Fonds secrets. Sommes incalculables avec lesquelles les ministres achètent les consciences. S'indigner contre. Forçat. Ont toujours une figure patibulaire. Tous très adroits de leurs mains. Au bagne, il y a des hommes de génie. Force. Toujours herculéenne. La force prime le droit. Bismarck. Fornarina. C'était une belle femme, inutile d'en savoir plus long. Fort, comme un turc, un bœuf, un cheval, comme Hercule, cet homme doit être fort, il est tout de nerf. Fortune, audaces fortuna juvat. Ils sont heureux, les riches, ils ont de la fortune. Quand on vous parle d'une grande fortune, ne pas manquer de dire « Oui, mais est-elle bien sûre ?» Fossette. On doit toujours dire à une jolie fille qu'elle a des amours nichés dans ses fossettes. Fossile. Preuve du déluge. Plaisanterie de bon goût en parlant d'un académicien. Foudre du Vatican. En rire. Foulard. Il est comme il faut de se moucher dedans. Foule. A toujours de bons instincts. Turba ruit ou ruunt. La ville multitude, tiers. Le peuple saint en foule inondait les portiques, etc. Fourchette. Doit toujours être en argent, c'est moins dangereux. On doit s'en servir avec la main gauche, c'est plus commode et plus distingué. Fourmi. Bel exemple à citer devant un dissipateur. On donnait l'idée des caisses d'épargne. Fourrure. Signe de richesse. Foutre. N'employez ce mot que pour jurer et encore. Voir docteur. Français. Le premier peuple de l'univers. Il n'y a qu'un Français de plus, a dit le comte d'Artois. Ah, oh, qu'on est fier d'être français quand on regarde la colonne. Franc-maçonnerie. Encore une des causes de la Révolution. Les épreuves de l'initiation sont terribles. Cause de disputes dans les ménages. Mal vu des ecclésiastiques. Quel peut bien être son secret? Franc-tireur. Plus terrible que l'ennemi. Frauder. Frauder l'octroi n'est pas trompé. C'est une preuve d'esprit et d'indépendance politique. Fresque. On n'en fait plus. Fricassé. Ne se fait bien qu'à la campagne. Frisé, frisure. Ne convient pas à un homme. Froid. Plus sain que la chaleur. Fromage. Citer l'aphorisme de Brillat Savarin. Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil. Front. Large et chauve, signe de génie ou d'aplomb. frontispice. Les grands hommes font bien dessus. Fruste. Tout ce qui est antique est fruste, et tout ce qui est fruste est antique. Bien se le rappeler quand on achète des antiquités. Fugue. On ignore en quoi cela consiste, mais il faut affirmer que c'est fort difficile et très ennuyeux. Fulminer. Joli verbe. Furie française. Toujours prononcée furia francese. Furoncle. Voir bouton. Fusil. Toujours en avoir un à la campagne. Fusillade. Seule manière de faire taire les Parisiens. Fusillé. Plus noble que guillotiné. Joie de l'individu à qui on accorde cette faveur. Fusion des branches royales. L'espérer toujours. Fin de la lettre F.